Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. C'est la chronique jeux vidéo avec notre ami René Cadieu du site internet game-focus.com. Évidemment, lorsqu'on appelle René, c'est parce qu'il a sorti un jeu vidéo. Ça fait quelques semaines également qu'il est sorti. On n'a pas été capable de se pogner, puis il y a tellement de sports. C'est incroyable. On parle avec René Cadieu. Salut René! Salut, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. René, FIFA 2018, comment c'était? C'est une belle expérience. On sait que c'est une des franchises de EA qui est le plus vendue. Fait que c'est une aussi qui a le plus d'argent investi dedans. Puis ça se sent, que comparativement, mettons, à NHL ou à même à la rigueur NBA Live, le jeu de basket qui sont sortis cette année, on sent que FIFA a de l'argent. T'sais, Madden n'est pas loin en arrière parce que c'est une autre grosse franchise. Mais FIFA est vraiment vendu à travers le monde, comparativement à Madden, qui va se vendre. Oui, il se vend à l'extérieur des États-Unis, mais c'est plus ciblé. États-Unis, c'est là qu'il fait son argent à lui, tandis que FIFA, lui, va faire son argent un peu partout à travers le monde. Puis, comme je vous dis, on sent qu'il y a beaucoup d'argent investi dans ce jeu-là. Au niveau d'ambiance, quand on est sur le terrain, quand on joue, on se sent vraiment dans les différents stades, on sent vraiment comme la foule crier, on sent scander, on sent ils sont contents quand tu as le ballon, mettons que tu l'as pas, ça écrit un peu moins, quand tu l'as, mais ça écrit un peu plus. Et ça, au niveau d'ambiance, au niveau de l'aspect visuel aussi, c'est un très beau jeu, on peut pas vraiment, il n'y a pas grand reproche à faire, on reconnaît tous les grands joueurs, on reconnaît certaines caractéristiques qu'ils ont en plus, fait que c'est peut-être le gros de l'emballage, si on veut, du grammage, le jeu, et là, on peut vraiment pas se plaindre. Au niveau des modes de jeu, on en a en masse encore une fois cette année. On a le mode journée ou le mode histoire, si vous préférez, qui revient. On poursuit encore des exploits d'Alex Hunter, on va continuer avec lui, puis on continue là-dedans. Ça dépend des joueurs. Il y en a qui sont intéressés, il y en a qui s'en foutent un peu plus de ce mode-là, mais ça reste un mode quand même très intéressant. Qui est quand même le fun côté histoire. On a aussi un mode carrière, c'est que, mettons, tu décides de créer ton personnage ou ton bonhomme, mais il va pouvoir évoluer en tant que joueur ou en tant que coach puis gérer tous les aspects d'avoir une franchise de soccer. On a aussi le mode avec les cartes, le Ultimate Team qui revient, où c'est que celui-là, il a été un peu peaufiné. On choisit, mettons, cette fois-là, la Belgique, le pays qu'on veut, mettons, le Brésil, la Belgique, la France, puis ça va nous donner des joueurs principalement de là, mais s'il va être possible d'avoir des joueurs de nos places aussi, mais commencer ton équipe va être plus axée avec les joueurs là-bas, les maillots, les uniformes. L'impact de la MLS, est-ce que c'est quand même... Parce que la MLS, on sait que c'est un circuit quand même mineur. C'est ça, j'ai vu plus la Premier League, c'était plus l'an dernier lorsque j'ai joué. Est-ce qu'on a amélioré la MLS? Oui, tout à chaque aspect de la MLS, les bonhommes, les joueurs, tout aussi a été amélioré. On suit... il est possible de jouer, mettons, de suivre en temps réel, si on veut, notre équipe. OK. Mettons, on prend l'impact. Mais à chaque fois qu'il y a l'impact, qu'il y a un match, le jeu nous propose de jouer la partie contre... l'équipe qui est là, puis ça aussi, on fait un mode saison avec l'impact, parce que les amenants en série, sans les difficultés qu'ils ont eues, mais sinon, il y a plusieurs, on va avoir, mettons aussi, à chaque début de jeu, on va aller, le score du foot, du soccer, est là, mettons, on suit l'impact, ça va me donner les scores de l'impact, la MLS, on peut suivre aussi les grosses équipes, mais moi, je suivais vraiment l'impact, parce que eux qui sont plus proches de nous, on avait plus de proximité avec eux autres, c'est plus fun. Puis, comme vous dites, les uniformes sont là. Je te dirais, au niveau du stade, c'est plutôt... J'ai jamais mis les pieds dedans, fait que je sais pas trop côté visuel qu'est-ce que ça a l'air de dans le terrain, mais c'est à ce niveau-là, peut-être, je te dirais, un bémol, je suis pas sûr à 100% que le stade c'est plutôt qui est bien représenté là-dedans, ou tous les stades de la MLS, mais je sais qu'Atlanta ont fait un gros stade il y a pas longtemps, ils ont fait des changements dans leur stade, puis je présume que peut-être eux, ils ont pris le temps de le faire beau, mais ça reste, au niveau de ce qu'on voit, ça reste assez basique. C'est un terrain de soccer, puis la caméra est vraiment mise, si on veut, sur le terrain. On voit la poule, mais on ne voit pas chaque détail du stade. OK. OK. Donc, tu donnes combien à ce jeu-là? On a donné un gros 8 sur 10. OK. Est-ce qu'on a, ben, la fois, on regarde sur le site pour pas se tromper. On a une de FIFA 18 à 7 et une de FIFA 18 à 8 sur 10. Est-ce qu'on sort toute année une version Switch pour la console de Nintendo? Puis, on a eu la chance de jouer aussi la version Switch. Puis, la version Switch, étant donné qu'il manquait, notons, quelques modes, quelques trucs, c'est un peu de léchage, de peaufinage de côté beau, mais que ça restait une expérience de soccer vraiment le fun sur console. On lui a donné 7, puis tandis que la version PS4 et Xbox One de FIFA et aussi sur le PC, c'est la version aussi qui a le plus de détails, que les machines sont capables de donner un rendu pour la peine, fait que celle-là a eu 8 sur 10, parce qu'on a encore des points, on aimerait qu'elle améliore au niveau des contrôles, il y a encore des petites lacunes au niveau des, comme je te disais tantôt, les stats, ce serait le fun qu'il y ait de quoi une interaction avec ou pas de même. Si on est rendu à, c'est des petits détails de, des petits détails, mais ça reste que t'es rendu là, tu peux améliorer ton jeu, mais c'est ce qui te reste à faire, parce que l'expérience soccer est quand même très intéressante. Il y a des petits bugs, des jeux qu'on dirait que le bonhomme, il ne passe pas aux bonnes places, mais c'est des petits détails qui arrivent très rarement. Puis en ligne, ben, l'expérience, ceux qui jouent en ligne, mais le jeu est quand même très complet, très le fun, puis les adversaires sont quand même respectueux. Ils vont pas te battre de 30-0, ils sont vraiment bons. Ils vont tenir ça un score serré, puis ils vont te laisser des chances des fois. Ou comme si j'ai été chanceux, puis j'en ai pogné qui était justement plus gentil, plus respectueux, mais en moyenne. C'était, même si tu sens qu'il est vraiment meilleur que toi, il slaquait la pédale, puis il allait mollo pour être sûr qu'il te donnait une chance de t'amuser, puis d'avoir du fun aussi. OK. Ben René, ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Bravo. Oui. On va s'en reparler la semaine prochaine. La semaine prochaine, dès que tu es prêt pour la lutte, il y a la lutte. Il y a le touquet. Oui, il y a trois autres. La lutte. Sur le basketball. Puis la F1. Il y a la lutte, il y a le basketball. Puis la F1. La F1, on peut déjà aller notre test sur le site, mais je vais vous en parler. On va faire un résumé les prochaines. OK. Donc, voilà, c'était René Cadieux du site internet game-focus.com, la référence des jeux vidéo au Québec.